Avez-vous vu le dernier film de Xavier Dolan? C'est une perle. Je vous dis, une perle. Ah, j'ai parti un blog sur le sous-sol, dans le sous-sol de mes parents pour faire fermer une station de radio poubelle. Voulez-vous que je vous en parle? Ben non. Tu me disais, ça a été enregistré en 1975, je te crois. Oui, hein? On revient, ça va là. Round Up Radio.